Le succès par la persévérance, conte arabe. Celui qui cherche trouvera, dit un vieux proverbe arabe, et à celui qui frappe, la porte sera ouverte. Je veux voir par moi-même, dit un jour un vaillant jeune homme, si cette maxime est vraie. Avec cette résolution, il part pour Bagdad et va se présenter devant le vizir. « Seigneur, lui dit-il, j'ai vécu plusieurs années d'une vie paisible et solitaire qui, par sa monotonie, me fatigue. Mon maître m'a plus d'une fois répété cet axiome, « Celui qui cherche trouvera, et à celui qui frappe, la porte sera ouverte. » J'ai pris une ferme décision. Je veux épouser la fille du calife. » Le vizir congédia ce garçon, pensant qu'il était fou. Le lendemain, il le vit revenir, et le surlendemain, toujours avec la même ferme volonté. Et un matin, le calife entendit lui-même l'audacieux jeune homme exprimer sa résolution. Surpris d'une si étrange idée et désirant s'amuser, sa hôtesse lui dit qu'un homme distingué par son rang, par son courage, par sa sagesse, songe à épouser une princesse, cela peut paraître fort naturel. Mais vous, quels sont vos titres? Pour devenir le mari de ma fille, il faut que vous vous signaliez par quelque grande qualité ou par quelque étonnante entreprise. Écoutez, j'ai perdu, il y a longtemps, dans le Tigre, une escarboucle d'une valeur inestimable. Celui qui la retrouvera aura la main de ma fille. » Le jeune homme, content de cette promesse, s'en va s'établir sur les bords du Tigre. Dès le matin, chaque jour, avec un petit vase, il puise de l'eau dans le fleuve, la verse sur le sable, puis, après avoir fait ce travail pendant des heures entières, s'agenouille et prie. Les poissons, inquiets de sa persévérance et craignant qu'il ne parvînt à épuiser le fleuve, se réunissent en conseil. « Quel est le but de cet homme ?» demande leur souverain. « C'est de retrouver une escarboucle qui est tombée dans le Tigre. »« Alors, répond le vieux monarque, je vous conseille de la lui rendre, car je vois quelle est la persistance de sa volonté, et il épuiserait les dernières gouttes de notre fleuve plutôt que de renoncer à son projet. » Les poissons jetèrent l'escarboucle dans le vase du jeune homme, et il épousa la fille du calife.